c'était vraiment une maladie de la peau. Ça, on le sait. Mais est-ce que c'était la lèpre? Ça, on ne le sait pas. Quand Luc raconte cette histoire, il dit que l'homme a été complètement couvert de la lèpre. Et le terme, selon Luc, le médecin qu'il est un terme médical. Donc, Luc, soit par l'intermédiaire des autres personnes qui l'ont vu, ont bien compris les dimensions médicales de ce bonhomme. Il était malade. Et il vient auprès de Jésus et le texte dit qu'il était dans le désespoir. Et avec raison. Parce que dans un contexte juif, si vous vous souvenez de Lévitique, quelqu'un qui a les maladies de peau est une personne impure, exclue de la communauté. Et il vient auprès de Jésus et comme on voit dans le texte, il dit trois choses. Si tu le veux, et ce n'est pas ainsi conditionnel, étant donné que tu veux, c'est vraiment une meilleure traduction, tu peux, troisième verbe, me rendre pur. Donc, c'était un cri de désespoir et de l'espoir dans la même phrase. Un dialectique dans la même phrase. Étant donné que tu veux, peux-tu me rendre pur? Et que fait Jésus? Maintenant, tournez la page, l'autre personne. Jésus, comme ça. Oui, je veux. Et que fait Jésus? Il le touche. Et qu'est-ce que ça veut dire selon le code lévitique? Jésus est maintenant impur. Et qu'est-ce que ça veut dire? Jésus, c'était pas important. Ce qui était important, c'était la personne. Sans hésitation, il le touche. Sans souci pour la réaction religieuse. Jésus a été rempli de compassion. Matthieu n'utilise pas ce mot, mais c'est Marc qui le dit, que Jésus a été propulsé par la compassion, instantanément. Et Jésus lui dit, je le veux. Pas je vais penser, pas je vais prier là-dessus. Je veux. Et le bonhomme est pur. Avant de tourner à Luc, créons une petite parenthèse. Parce que les trois évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, mentionnent que Jésus a dit à l'homme de ne rien dire publiquement, mais de va aux responsables, aux officiers religieux, pour authentifier sa guérison et pour recevoir le certificat de bonne santé. Mais Matthieu, le bon juif, il ajoute, pour qu'il puisse savoir qui je suis. Et il est évident que Jésus, dans un premier temps, ne voulait pas que les autres le sachent, parce que son temps n'était pas encore arrivé. Ce n'était pas le temps pour vraiment initier de façon publique, de façon foule, que le royaume de Dieu est arrivé. Et il ne voulait pas faire un grand spectacle. Il voulait vraiment attendre, pas le miraculeux pour prouver que le règne de Dieu est arrivé, mais la souffrance. Parce que Jésus savait très bien que la distinction entre son règne et le règne des autres était un règne qui passe pas par le spectacle, mais un règne qui débute dans la souffrance. Et Jésus connaissait le temps. Ceci étant dit, tournez maintenant au texte complémentaire. Luc 5. Dans un premier temps, nous voyons comment la compassion de Jésus l'a littéralement propulsé à agir. Créons une parenthèse. Comment est-ce que nous pratiquons la compassion? Qu'est-ce qui nous propulse? Qu'est-ce qui nous pousse à agir? Et je vous laisse avec ces deux questions. Maintenant, deuxième texte. Luc 7, Luc 5. Même histoire. Un autre jour, lorsqu'il se trouvait dans une ville, survint un homme couvert de lèpre. Ça, c'est le terme médical en grec. En voyant Jésus, même chose, il se prosterna devant lui, face contre terre, et lui adressait cette prière. « Seigneur, étant donné que tu veux, tu peux me rendre pur. » Même chose. Jésus tendit la main et le toucha en disant, « Oui, je le veux, sois pur. » À l'instant même, la lèpre le quitta. Il lui recommandait de ne rien de dire à personne ce qui est arrivé, mais lui dit-il, « Va te faire examiner par le prêtre et pour la purification, offre ce que Moïse a prescrit, cela leur prouvera qui je suis. » Donc, les textes sont presque identiques. Mais maintenant, regardez ce que Luc ajoute. Et Luc est différent maintenant que Matthieu et Marc. Verset 15. La réputation de Jésus se répandit de plus en plus. Aussi, de grandes foules les affluaient pour l'entendre et pour se faire guérir de leur maladie. C'est du bon sens. Et ils n'avaient pas besoin du Wi-Fi pour se faire connaître. Facebook, voilà, Facebook. Oui, je suis sur le Facebook maintenant de madame. OK, je ne sais pas, est-ce que ma vie... Non, ça vaut la peine, je sais, oui. Mais Jésus, il faisait la une. Son renommée, malgré le fait qu'il a dit, « S'il te plaît, monsieur, tais-toi. » Écoute, franchement, si quelqu'un me guérit de la lèpre, est-ce que je vais fermer ma boîte? Ben, non! Et en passant, il n'est pas nécessaire de dire grand-chose. S'il a été dans une condition médicale couverte de lèpre, juste de le voir, le monde va dire, « Ben voyons donc, qu'est-ce qui se passe? » Maintenant, verset 16. « Mais lui, se retirer dans les lieux déserts pour prier. » Dans notre série, nous avons assez parlé de la pratique de la prière. Moi, je ne vais absolument rien ajouter à ce que Jacques a déjà fait. Mais moi, j'aimerais, en conclusion, regarder l'autre verbe dans le texte. Mais lui, il s'est retiré dans les endroits isolés. Et quand j'ai étudié ce texte, ça m'a ramené à cette expérience en Louisiane il y a 27 ans. Parce que quand j'étais frappé par la nécessité d'avoir un système nerveux pour me protéger, pour mon bien, je ne pouvais pas chanter, je ne pouvais pas crier. Qu'est-ce que j'ai dû faire? J'ai dû m'asseoir et j'ai dû y penser. Parce que dans la vie spirituelle, certaines choses valent la peine d'être bien pondérées. Et qu'est-ce que Jésus a fait après qu'il a guéri le bonhomme? Il s'est retiré. Même celui qui a fait les miracles a dû bien pondérer ce que Dieu avait fait. Le verbe aussi ici dans ce texte est assez précis. Mais il est bien traduit. Le verbe, c'est de se retirer. Mais la chose qui m'a étonné en me préparant ce matin, le seul qui utilise le verbe dans tout le Nouveau Testament, c'est Luc. Et il l'utilise deux fois. Et de se retirer. Donc, j'ai écrit ici dans mes notes, j'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire de se retirer? Et deuxièmement, j'ai écrit, qu'est-ce que ça veut dire de se retirer? Quels sont mes lieux isolés? En Matthieu, même s'il n'utilise pas le verbe, quatre fois Jésus s'est retiré. Il s'est retiré en Matthieu 4 pour jeûner pendant 40 jours et pour subir les épreuves du malin. En Matthieu 4, il s'est retiré avant de choisir ses 12 disciples. En Matthieu 14, après que Jean a perdu sa tête, après avoir été littéralement guillotiné, Jésus s'est retiré et on voit l'humanité de Jésus. Son cousin venait de perdre sa vie. Et qu'est-ce que Jésus a fait? En Matthieu 14 et le verset 13, il est allé dans un lieu isolé, probablement pour pleurer. Il a perdu son collègue, son cousin. Et en Matthieu 14 aussi, Jésus se retire aussi pour prier. Donc, moi j'ai écrit ici, j'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire de se retirer? Ça veut dire de pratiquer le silence, de pratiquer la solitude. Et Jésus l'a bien modelé. Ce qui est fascinant, quand le texte dit, mais Jésus s'est retiré dans les lieux isolés, nous n'avons pas le choix en français que d'utiliser un verbe au passé composé. On ne peut pas dire, mais Jésus se retire. On le lira et on dirait, ça ne fait pas de bon sens. Mais en grec, on est capable d'utiliser un verbe au présent pour parler de quelque chose dans le passé. Donc, on peut vraiment traduire le texte ici, mais Jésus, autant que possible, s'est retiré dans les lieux isolés. Voici la pratique, la coutume, l'exercice régulier de Jésus. Et il est allé dans un lieu isolé, littéralement dans les déserts. Et ce qui était fascinant, dans la vision du monde judaïque en Palestine, les déserts, c'était le lieu des mauvais esprits. Et en se retirant, Jésus est allé dans le lieu des batailles, des luttes. Et il l'a fait. Donc, moi, j'ai dû me poser la question, Glenn, comment est-ce que tu pratiques cette pratique? Voici ce que j'ai écrit dans mes notes. Nous sommes dans une société qui est incroyablement bruyante. Ouais, juste, soyez tranquille pour deux secondes. Sur la rue Ontario, il est impossible d'être dans le silence. Ça va, ce n'est pas une critique sur la promenade, c'est la réalité. Mais nous sommes dans une époque où il y a trop de bruit et trop de distractions. Il est impossible d'aller dans un café en centre-ville sans avoir le musac. Oh, des fois, j'aimerais le... Des fois, je veux juste être tranquille. Je ne veux pas avoir cette musique pré-enregistrée, crinquée au bout, pour me déranger. Mais on est dans une époque où il faut toujours avoir quelque chose dans le fond. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de pratiquer le silence et la solitude? Tout d'abord, il faut avoir un lieu. Pour moi, mon lieu préféré, c'est sur ma galerie, chez moi. On est dans un coin qui est plus ou moins tranquille. Donc, je peux m'asseoir sur ma galerie et je peux me retirer. Mais, lundi passé, j'étais en Autriche la semaine passée. Je suis arrivé un jour avant mes réunions, donc avec trois amis, trois collègues. On est allé à 4000 mètres dans les montagnes en Autriche. J'ai laissé mes amis et moi, j'ai fait un randonnée toute seule. Ben, tout d'abord, c'était inspirant d'être dans les montagnes avec la neige, avec deux grands réservoirs, avec l'eau, de la glace. Mais le but, ce n'était pas simplement de s'inspirer de ces vues panoramiques. Non, c'était de vivre la solitude, de vivre le silence. Donc, choisissez le lieu que vous voulez. Mais Jésus, autant que possible, s'est retiré. Maintenant, petite bémol. Je sais que je suis de nature une personne introvertie. La façon que je trouve mon énergie dans la vie, c'est de me retirer. Pour moi, ce n'est pas compliqué pour deux secondes. Mais pour Sandy, c'est autre chose. Parce que ma femme trouve son énergie en passant du temps avec les gens. Elle trouve son énergie. Donc, de se retirer va être différent que moi. Sandy se retire avec des amis. Moi, toute seule, c'est la paradis céleste. Donc, choisissez votre lieu en fonction de vos préférences de tempérament. Il n'y a pas de règle dans cette pratique. Ce qui est important, c'est autant que possible, il faut se retirer pour trouver la solitude et le silence. Maintenant, quoi faire? La chose la plus difficile pour moi, c'est le début. Parce que je m'assois dans ma galerie et tout d'un coup, je pense à quelque chose. OK? Soyez tranquille. Calmez-vous. Juste, quand vous pensez à quelque chose, non, calmez-vous. Respirez par le nez. Et ce que moi j'essaie de faire, c'est les 5-10 premières minutes sont les plus importantes. Et moi j'essaie de choisir un mot. Généralement, c'est une qualité de Dieu, un de ses attributs. Et je vais dans la tranquillité, dans le calme, je vais juste répéter cet attribut de Dieu. En quelque sorte, si vous voulez, c'est du zen. Mais du zen concentré sur le Dieu de Jésus-Christ. Maintenant, mes amis, la lutte va commencer. Je ne veux pas être pessimiste, je ne veux pas être un faiseur de troubles, mais c'est dans le silence que la vraie lutte commence. Vous allez penser à mille et une choses. Si vous ne l'avez jamais fait, vous comprenez de quoi je parle. Vous allez penser à la semaine, vous allez penser à la semaine à venir. Vous allez dire, « Oh, il faut que j'envoie un courriel à telle ou telle personne. Oh, je n'ai pas consulté mon Facebook depuis hier. » Il va y avoir une bataille pour le contrôle du coco et pour la maîtrise de son âme intérieure. Ce qui est important, c'est de prendre ses pensées captives. Juste de dire non, non, plus tard, non, plus tard. Et continuer de méditer cet attribut de Dieu. Et ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, toutes sortes de pensées vont arriver. Les tentations que vous avez vécues, les péchés non confessés, les craintes, le rejet, Et c'est à ce moment-là que vous pouvez marcher dans l'esprit. Et de prendre ces pensées captives. Mais s'il faut confesser un péché, faites-le. S'il faut faire face à une crainte, faites face à cette crainte. Si c'est le rejet, commencez de parler à Dieu et appropriez la victoire de cet attribut de Dieu sur le rejet. Si c'est une tentation, dis non. Et une fois que vous passez par ce temps, maintenant c'est le temps dans le silence et la solitude, de choisir un texte biblique. Généralement, je m'inspire des psaumes. Et je prends le psaume et je commence de le méditer. Dans le silence et dans cette solitude, on est maintenant capable de lire, d'étudier, de prier. C'est lorsque j'arrive à ce moment-là que souvent je fais une promenade. Je pars pour faire un randonnée toute seule. Vous me connaissez, je suis un urbain. Donc, de partir dans ma solitude en ville, ce n'est pas un problème pour moi. C'est comme je suis dans la zone. et je peux maintenant prier. Mais autant que possible. Et ce que je trouve fascinant, c'est que la Bible ne dit jamais, une fois par semaine, il faut le faire. Ou une fois par mois, il faut le faire. Non, non, non. Autant que possible. Choisissez votre rythme. Mais ce qui est important, c'est d'avoir le temps de se retirer. Parce que, et maintenant je mets les deux pratiques ensemble. La pratique de la compassion nous vide. La pratique de la compassion, c'est exténuante. Des fois, on est bouleversé par les besoins autour de nous. Les besoins ne sont jamais une bonne motivation pour servir Dieu. Il va toujours y avoir des besoins. Mais autant que possible, comme a fait le maître, il s'est retiré dans un lieu isolé et il a prié. Donc, je répète ma liste. Calmez-vous. Soyez tranquille. Choisissez un mot, un attribut de Dieu, et commencez de la méditer. La lutte va bientôt commencer. Résistez-la. Prenez des pensées captives, et ensuite faites face aux tentations, aux péchés, aux craintes, aux rejets. Marchez par l'Esprit. Et après, choisissez un texte et commencez de le méditer. Et dans cet esprit de méditation, dans le silence, dans la solitude, faites une promenade, faites une randonnée, marchez, lisez, étudiez, priez, aimez Dieu et faites ce que vous voulez. Mais pratiquez cette pratique de la solitude. C'est une belle façon de renouveler nos forces. Et c'est une bonne façon aussi de faire face au bruit et aux distractions dans notre vie. Et si ça vous tente, tuez toute la musique dans les cafés de Montréal. Prions ensemble. Ben, je connais un bon restaurant où la musique est vraiment la musique classique. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais en tout cas, attends. Mais terminons dans un instant de silence. Au moins, essayez de trouver le silence. Seigneur, merci ce matin pour l'exemple de Jésus qui était un homme de compassion auprès des lépreux, les rejetés de sa société. Mais il a agi, poussé par toi, le Dieu créateur. Seigneur, remplis-nous de ta compassion pour ceux et celles qui souffrent, qui sont vraiment marginalisés dans nos villes. Mais Seigneur, merci aussi pour l'exemple de Jésus, qui s'est retiré souvent dans les lieux isolés pour retrouver le centre. Et Seigneur, anime-nous pour que nous puissions être les gens qui sont remplis par toi, parce qu'on a trouvé dans le silence et la solitude ta grâce. Au nom de Jésus. Amen.